le 6-7 sur France Inter. Magic Elvis, Elvis Presley, c'est maintenant ce feuilleton qui nous raconte l'histoire de celui qui a popularisé le rock'n'roll. Et ce matin, à Memphis, avec Philippe Robin, le cauchemar des collectionneurs. Pour satisfaire la foule des visiteurs, les nombreuses boutiques de Graceland ont fait le plein de marchandises. Ces magasins sont le cauchemar des collectionneurs d'articles sur Elvis. Il est absolument impossible de tout posséder parce que les managers qui gèrent les affaires du King aujourd'hui proposent sans cesse de nouveaux articles. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. CD, DVD, chemises, cartes postales, on a un peu de tout. Le guide sur Graceland est sans doute notre meilleure vente. Ce que les gens achètent le plus, c'est les t-shirts et ce qui concerne la musique, CD et DVD. Et même si le commerce marche à merveille autour d'Elvis, certains fans regrettent que leur idole soit mise à toutes les sauces. C'est le cas de Jacques Delessert, auteur du livre Elvis, mon ami, dont le premier voyage à Memphis date de 1964. C'est une énorme machine à dollars. On vend de tout et n'importe quoi. Au tout début de mes voyages à Memphis, on trouvait encore des photos de concerts d'époque, mais maintenant on vend du vin sur Elvis Presley, des chaussettes, des dés à coudre, enfin un business énorme. Ça, c'est ce côté tiroir caisse qui me dérange un peu. Bon, les Américains sont des hommes d'affaires. Ce qui est assez incroyable, c'est de voir autant de nouveaux disques d'Elvis, alors que fatalement, il n'a rien enregistré depuis 30 ans. J'attrape un de ces disques et je vois quelques noms notés dessus. Michael Jorgensen, Roger Semon ou encore Jean-Marc Juillant. Et comme je croise ce dernier de temps en temps, je décide de lui demander des explications. Elvis enregistrait parfois jusqu'à 30 prises pour faire un master. Et il peut y avoir des perles dans ces prises alternatives, c'est-à-dire des arrangements complètement différents de celui qui a été retenu pour la version publiée à l'époque. Et puis il y a aussi d'autres sources, des cassettes par exemple, des concerts qui ont été enregistrés sur cassette et pas sur multipiste. Mais cette cassette est devenue un témoignage de la manière dont Elvis donnait son show à une certaine époque, à Las Vegas ou en tournée. Comme cette version de Shake, Rattle and Roll, enregistrée au studio RCA de New York le 3 février 1956. Hang up that tambourine and go! And make some noise with the pots and pan. I believe to my soul you're the devil in nylon hose. I believe to my soul you're the devil in nylon hose. Cause the harder I work, the faster my money goes. Well, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. The way you want to do the right to save your doggone soul. Hey, sun comes shining through. You wear those dresses, sun comes shining through. I can't believe my eyes. all that mess belongs to you. I'm like a one-eyed cat peeping in the seafood store. I'm like a one-eyed cat peeping in the seafood store. Well, I can look at you, tell you ain't no child no more. Well, I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. Away on to the right to save your dog, don't go. Oh! Shake, rattle, and roll, Elvis Presley, et puis à la version très célèbre de Bill Haley, évidemment.